L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Alors bonjour Antonin Berclaude, vous êtes au téléphone de Fadjet pour venir parler de la 26e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer qui se déroulera du 30 janvier au 3 février 2019. Oui, bonjour. Alors pour commencer, un mot sur le ou plutôt les présidents du jury de cette année. Cette année, c'est la première fois pour le jury long métrage qu'on a un duo de présidents. En l'occurrence, Benoît Delépine et Gustave Kervern. Je pense que tout le monde les connaît. C'est des gens qui ont fait leurs premières armes sur Canal+, dans l'émission Groland. Mais depuis, ils ont fait un long chemin, puisqu'on les a vus beaucoup à la réalisation dans pas mal de films. Ils ont tourné avec de grands acteurs français, que ce soit Adjani, Depardieu ou bien d'autres. On les connaît pour des films comme Saint-Amour. Saint-Amour, c'est un film qui fait un peu le tour de France des grandes régions viticoles. Un film avec Depardieu. Il y a Mammouth. Plus récemment, un film avec Jean Dujardin qui s'appelle I Feel Good. Voilà, c'est des gens qui sont au départ des comiques, mais qui utilisent l'humour pour comme base d'une critique sociale, en fait, pour dénoncer un peu les inégalités dans notre société actuelle. Ils aiment mettre en scène souvent des gens qui sont un petit peu isolés socialement, des marginaux, des gens comme ça, pour dénoncer la pauvreté, l'exclusion et tout ce genre de choses. Donc c'est toujours l'humour un peu amer comme support de la dénonciation et de la critique sociale. Donc ça sera un très très beau président et très très connu. Je pense que ça sera vraiment une belle édition avec eux, placée sous la bannière de la bonne humeur et du rire. Votre festival est maintenant un classique, hein, et a connu de très grands noms depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, vous optez plutôt pour la continuité ou il y aura quelques changements notables pour cette édition ? Disons qu'en 25 ans, forcément, le festival a énormément évolué et déjà en termes de notoriété, ça a énormément grandi. Au départ, quand le festival a été créé à Gérardmer, il avait une envergure moins importante. Déjà, il n'y avait que deux cinémas, alors que depuis, on en a quatre, quand même pas pareil. Et puis, il y avait moins d'animation en ville. Le festival de Gérardmer, ce sont des projections. On a 49 films en sélection cette année, mais on a aussi un grand nombre d'animations un peu partout en ville. On a 6-7 expositions, on a un salon littéraire, on a des espaces de maquillage, de vente de produits, des ateliers pour le jeune public, on fait des escape games, plein de choses qui se développent au fur et à mesure des années. Et on a fédéré beaucoup d'acteurs culturels autour du festival, que ce soit les structures type médiathèque, ludothèque, qui se sont joints à nous, les écoles, on propose un film spécialement pour les écoles également. Donc tout ça, ça a énormément densifié l'activité et le programme culturel du festival. Après, tous les ans, il y a un lot de nouveautés, bien sûr. Cette année, par exemple, on a lancé une nouvelle section qui s'appelle Retromania. C'est une section qui propose des films en 4K, en fait, 4K étant un format haute définition. Ça nous permet de ressortir quelques films rares, parfois que les gens n'ont jamais vu, et qu'ils puissent les voir au cinéma en haute définition. Donc je dirais que le concept initial du festival n'a pas changé. Le concept, c'est d'être la convention du fantastique, la référence du genre où on peut voir des choses rares qu'on ne verra pas ailleurs, mais aussi venir en famille participer à des animations. Mais c'est vrai que chaque année, on a des petites nouveautés qui permettent d'attiser un peu la curiosité et puis de renouveler le concept en partie, pour rester toujours à la page de ce qui se fait. D'accord, donc un festival pour les petits et les grands. Si vous voulez suivre l'actualité du festival, il y aura notamment une radio officielle, c'est bien ça ? Oui, alors, pour suivre l'actualité du festival, le mieux, c'est les réseaux sociaux. Donc, effectivement, on a Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Donc ça, vous pouvez suivre toute l'actualité sur les réseaux sociaux. On a notre site internet, mais on a aussi, pendant le festival, une radio officielle qui s'appelle Radio Fantastica, écoutable soit en streaming sur le site, soit dans les rues de Gérardmer. Vu que la fréquence, ça doit être 98.4 de mémoire. D'accord, très bien. Et donc pour finir, un petit mot sur les différents passes que l'on peut acheter pour le festival. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous achetez des passes pour un ou plusieurs jours, donc pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche, week-end, festival. Soit vous pouvez acheter des places à la séance. Tout se passe en ligne, en fait. C'est-à-dire qu'on a une billetterie en ligne. Vous pouvez aller acheter vos passes et réserver vos séances dans la foulée. Sur le site officiel, au niveau des tarifs, la place de cinéma seule est à 10 euros et le pass pour toute la durée du festival est à 99 euros, en sachant que vous pouvez, avec un pass comme ça sur 4 jours, voire entre 5 à 7 films par jour, je dirais. Si vous êtes vraiment un mordu de cinéma, vous pouvez vraiment enchaîner les séances, puisqu'on a des séances qui démarrent le matin vers 10 heures et qui se poursuivent 1 heure du matin le jeudi, vendredi. Week-end, on a des nuits presque non-stop avec des nuits décalées qui sont proposées, même avec des tarifs spéciaux. Par exemple, on a une nuit décalée où on a deux films qui sont un peu des séries B. Le premier est un film avec des fourmis géantes et le deuxième est un film qu'on appelle un slasher, où vous avez une équipe de volleyeuses qui est coursée par une bande de tueurs, mais en fait les rôles sont inversés. En fait, ce ne sont pas des volleyeuses aussi innocentes qui n'y paraissent. Donc voilà, c'est la nuit décalée. On a une nuit exploitation, c'est une nuit sur le cinéma australien en fait d'exploitation, cinéma des années 70-80 qui se passe en Australie. Donc si vous voulez passer toute la nuit, c'est tout à fait possible. Donc je dirais que pour un pass festival, vous en avez aussi pour votre argent. Vous l'aurez compris, il y en aura donc pour tous les goûts et tous les budgets. Bon, merci Anthony Humbert-Claude pour toutes ces précisions et vous merci souhaite un bon festival. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.